Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui, la nuit du 24 du mois de Dhul-Hijjah, de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la première assise de notre série de cours sur l'explication ou le commentaire du livre Talqinu al-Aqidati lil-Amma, qui est un épître de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, qui est en résumé un concis et résumé du livre Thalathatul Usul, que vous connaissez tous, les trois fondements, les trois principes fondamentaux. Et Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a le livre Thalathatul Usul, que nous avons étudié ensemble ici, qui est un livre, qui est déjà un livre résumé, qu'il a écrit à la base pour les gens de la masse, à son époque. Puis il a ce livre qui est un livre encore plus résumé, un résumé du premier. Et par-dessus le fait que ce livre soit résumé, il a été écrit, comme vous allez le voir, dans une langue qui est simple et facile pour les gens de la masse. Simple et facile à comprendre pour les gens de la masse. Il a aussi, rahimahullah ta'ala, un autre livre qui est aussi un résumé de son livre Thalathatul Usul, qui est sous forme de questions-réponses pour les enfants. Encore plus résumé que celui-ci. Et ce livre, Talqin al-Aqidati lil-Awam, dont j'ai traduit le titre donc par l'enseignement de la croyance aux gens de la masse, est un livre qui a été expliqué de manière très concise par Cheikh Abdelrazzaq ibn Abdel Mohsin al-Abbad al-Badr, hafidahullah ta'ala, et vous trouverez son explication dans le livre qui vous a été distribué ici. Dans l'explication de ce livre, je prendrai certaines parties de l'explication de Cheikh Hafidahullah et j'y ajouterai plusieurs commentaires qui seront tirés en grande partie de l'explication que nous avons faite de Thalathatul Usul, ceci comme je l'ai dit dimanche, afin de réviser les cours que nous avons déjà faits ici et pour celui qui n'a pas été présent, de prendre certaines bases et certaines règles que nous avons étudiées ensemble lors de ce cours. Et le cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, est divisé en deux cours, donc la première partie sur l'explication de cet épître et la deuxième partie sur l'explication des règles jurisprudentielles, comme vous avez pu le voir. Chaque cours durera environ une trentaine de minutes, incha'Allah ta'ala, et on terminera en tout cas cet épître rapidement, c'est-à-dire en deux cours environ, puis on passera à d'autres épîtres de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab et autres traitant de Al-Aqidah ou Al-Manhaj de manière générale ou principalement de Al-Aqidah, la croyance, et Al-Manhaj, la méthodologie. Ici, Cheikh Abdelrazzaq al-Badr, Hafidahullah, a évoqué plusieurs causes qui l'ont mené à choisir ce livre, à choisir la lecture de ce livre qu'il choisit de lire en une seule assise et de donner un commentaire très concis de ce dernier. Parmi ces causes, il cita le fait qu'il choisit cet épître afin que ce livre soit connu, ce livre précieux et profitable dont nous avons tous besoin, et en particulier les gens de la masse, soit connu de ces derniers. La deuxième cause qu'il évoqua, afin que nous fassions connaissance avec les efforts immenses qui ont été dépensés par cet imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah, qui est mort en quelle année, hafidhakumullah? 1206, ahsant, rahimahullah ta'ala. Et comme nous l'avons vu ce matin dans le commentaire de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, ce grand savant, à l'inverse de ce que disent de lui ses détracteurs, est un savant, des savants de la communauté, qui n'a rien inventé, uniquement qui a suivi la trace des pieux prédécesseurs de cette communauté et des imams de cette communauté qui les ont suivis dans le bien. Et nous voyons ceci dans ses livres, nous voyons ceci apparaître de manière claire dans les livres qu'il a écrits, des livres qu'il a écrits pour la plupart en conseil pour la communauté, les gens de la masse de cette communauté et les étudiants en sciences et les savants, des livres qu'il a écrits lorsqu'il a vu et senti le besoin de la communauté ou qu'avait la communauté de se rappeler ses fondements et ses bases qu'il a détaillé dans ses livres, et des livres qui, comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid par exemple, livre de l'unicité, qui est un livre qui réunit uniquement des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, des hadiths, des traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des paroles de As-Salaf, nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, et certaines paroles des savants de cette communauté. Comme ceci, le reste de ses épîtres, Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba, les quatre règles, Al-Usul al-Sitta, les six fondements, Kashf al-Shubuhat et autres, parmi ces épîtres que nous avons étudiés ici ensemble et que nous allons étudier prochainement, Inch'Allah ta'ala. Donc, l'étude et la lecture de ce livre, comme le dit Cheikh ici, Hafidahullah ta'ala, parmi les causes qui l'ont poussé et qui nous ont poussé à lire cette épître ensemble et à l'étudier ensemble, afin que nous connaissions, que nous fassions connaissance avec les efforts qui ont été dépensés par cet imam dans le chemin du conseil de la communauté musulmane. Et les efforts qu'il a dépensés dans le fait de chercher à implanter ou à planter la graine de l'aqida, la croyance authentique dans le cœur des gens de cette communauté. De même que l'éclaircissement de At-Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on l'a déjà dit, At-Tawhid, quelle est sa définition? Tafadhal Muhammad. Ahsant, At-Tawhid, Ifradullahi bil-ibada, c'est-à-dire d'unifier Allah par son adoration, tabaraka wa ta'ala. Et At-Tawhid est la première obligation qui incombe à tout serviteur. C'est l'obligation la plus importante et la première qui incombe à tout serviteur. Awwal wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatu ar-rahman bit-tawhid idh huwa min kulli al-awamir a'zamu wa huwa naw'an ayyama yafhamu. Cheikh Abd al-Razzaq ici hafidahullah cita aussi le fait que parmi ces épîtres qui ont été écrits par ce grand imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a cet épître qui a été écrit dans une langue facile et simple, une langue qui est la langue des gens de la masse. Comme nous allons le voir dans la lecture de cet épître. La langue des gens de la masse. Et ceci nous montre que ceci n'est pas une chose blâmable, à l'inverse de ce que certaines personnes qui ne connaissent rien à la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peuvent avancer, le fait qu'il est obligatoire de parler de telle et telle manière. Non, le but de ce message est que ce message soit transmis. Si la personne en face de toi ne parle pas la langue arabe, il ne fait pas partie de la sagesse de lui parler en arabe. Si la personne qui est en face de toi comprend la langue arabe mais ne comprend pas certains mots que tu utilises, comme nous allons le voir aussi dans le cours de dimanche, dans notre étude du Sahih de l'imam al-Bukhari, Kitab al-I'tisam, le livre du cramponnement, le chapitre du cramponnement au livre et à la sunna, le fait que ceci fait partie de l'exagération, et cette exagération est blâmable, sans aucun doute. Sans aucun doute, il est meilleur de parler de la meilleure des manières, de la manière dans la langue dans laquelle a été descendu le Coran, la langue que parlait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'arabe littéraire. Mais si la personne qui est en face de toi ne comprend pas cela, même si cette personne est un arabophone, mais il n'arrive pas à comprendre cet arabe littéraire que tu parles, ceci ne fait pas partie de la sagesse, ça fait plutôt partie de la sottise de lui parler uniquement dans une langue qui sera une langue belle et douce pour celui qui l'écoute et qui la comprend, mais pour celui qui ne la comprend pas, ne lui servira à rien. Parce que le but de ce message est qu'il soit délivré. Et nous voyons ici que Cheikhoul Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab, a résumé ce livre, Al-Usul al-Thalatha, qui est déjà un livre résumé. Il l'a résumé et l'a écrit dans une langue simple, qui est une langue que les gens de la masse, à son époque, comprenaient. Et faites bien attention à faire la différence entre le fait de parler ou d'écrire quelque chose dans la langue des gens de la masse et parler ou écrire quelque chose selon la méthodologie des gens de la masse. Voici deux choses différentes. Les gens de la masse ont une méthodologie qui leur est propre. Ils ont une manière de parler et de comprendre qui leur est propre. Ici, on parle de la langue qu'ils comprennent et non de la méthode qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'il a écrit ce livre selon la méthodologie scientifique empruntée par nos pieux prédécesseurs, ridwanallahi alayhim, et non, et ceux qui les ont suivis dans le bien, et non une méthodologie sans but ni sagesse à la manière des gens de la masse ou du plus simple des gens de la masse, mais plutôt il garda cette méthodologie scientifique et écrit cette épître selon une langue qui était comprise par ces gens-là. Faites bien la différence entre ces deux choses-là, car certaines personnes ne savent pas faire la différence. Ils, pour faire passer le message, ils parlent selon la méthode des gens de la masse, avec parfois un langage qui n'est pas un bon langage, qui n'est pas un langage scientifique. On parle de mots qui sont compris par les gens de la masse, et non un langage où se rabaisser à parler d'une certaine manière qui n'est pas une manière scientifique. Il faut élever ces assises de science et les exempter de ce genre de comportement et de parole. Barakallahu fikum. La troisième de ces causes qui poussa Cheikh et qui nous poussa aussi donc à choisir cette épître, il évoqua le fait que nous recherchons par cela à ce que les étudiants en sciences et ad-du'at ilallah, les prédicateurs, ceux qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala, profitent de la connaissance de cette épître afin qu'ils, à travers celle-ci et à travers son explication, éclaircissent aux gens la croyance des pieux prédécesseurs et qu'ils comprennent que ceci était la voie aussi, ou qu'ils fassent connaissance avec le fait que ceci était la voie de cet imam Mohamed ibn Abdel Wahhab, qui lui empruntait dans sa prédication le chemin de ceux qui appellent à cette croyance authentique et le chemin de ceux qui appellent à cette croyance les gens de la masse ou l'ensemble de cette communauté. Et comme le dit Cheikh ici, nous dit que ceci, par le fait que l'étudiant en sciences prenne conscience que son but doit être, dans sa prédication et dans son enseignement, que les gens, de manière générale, profitent de la prédication al-da'wa al-sahiha, la prédication authentique. Et si ceci appelle à ce qu'il s'exprime de manière facile et simplifié, afin que les gens le comprennent, eh bien, ceci est ce qui lui est demandé à ce moment-là. Cheikh évoqua aussi une autre cause qui le poussa à choisir cette épître. Le fait que cette épître est profitable aussi pour les étudiants, pour les prédicateurs, concernant une affaire grandiose et importante, celle à propos de laquelle il convient qu'il se concentre et qu'il commence sa prédication selon celle-ci, et que cette prédication soit construite sur une base ferme et authentique, qui est la prédication, le début de sa prédication, qui doit partir de l'appel des gens à la croyance authentique et au tawhid, à l'unité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous profitons aussi de cette épître, ou de l'écriture de cet imam, cette épître, le fait que les gens de la masse, qui parfois ne connaissent rien du tout des bases de la religion, doivent impérativement être appelés à cette croyance authentique et l'obligation qu'ils ont de prendre cette croyance authentique et de l'apprendre, d'apprendre at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait que la religion n'est pas prise des avis des gens, ni de ce qu'ils aiment, ni de leur expérience personnelle, ni même de rêves qu'ils auraient pu faire, mais bien du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous allez le voir, donc, comme vous le savez, Cheikhoul Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab, qui concentra cette épître, comme la base de cette épître qui est Al-Usul al-Thalatha, sur le fait qu'il tira cette épître de ses bases, qui sont les bases de l'islam authentique, le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Une dernière chose, nous lisons cette épître ensemble et nous faisons connaissance avec cette épître et avec la voix de ce grand imam, Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, et nous prenons conscience et connaissance du fait que cet imam n'était pas une personne qui appelait à sa propre personne. Ce n'était pas une personne qui appelait à sa propre personne, mais uniquement une personne qui fondait sa prédication sur l'appel à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il appelait les gens à élever et glorifier le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci apparaît clairement à toute personne qui lit les épîtres qui ont été écrites par cet imam, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et comme on l'a cité ce matin dans l'étude de Kitab al-Tawhid, à très peu de passages, donc dans Kitab al-Tawhid, je ne me rappelle pas que ceci est venu dans un passage, mais dans l'ensemble de ses épîtres, à très peu de passages ou lors de très peu d'occasions, il dit « et je dis, et je pense, etc. etc. » Mais plutôt, la plupart de ses livres sont basés sur ces bases. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, les pieux prédécesseurs ont dit. Je termine cette introduction par un conseil qui a été donné par Cheikh Abdelrazzaq dans son explication ici, dans son introduction, où il dit qu'il profite de cette occasion pour conseiller grandement les gens à propager cette épître. Comme le frère Jazaullahu Khaira, qui a acheté cette épître, l'a envoyée ici pour que vous en profitiez, par l'intermédiaire aussi d'un autre frère Jazaullahu Khaira. Donc Allah récompense tous ceux qui ont participé à cela, afin que vous tous ayez un exemplaire de cette épître pour suivre le cours et pour ensuite réviser et pour ensuite, comme l'a dit ici Ash-Shir, l'apprendre peut-être par cœur, la propager au niveau des gens de la masse, comme il le dit ici. Il conseille donc grandement les gens à propager cette épître, à la propager en particulier au milieu des gens de la masse, et que les gens soient avides de l'apprendre par cœur. Donc comme on l'avait vu dans notre explication de l'Usul Thalatha, nous voyons que les savants avaient l'habitude d'enjoindre leurs élèves d'apprendre par cœur, donc de mémoriser Al-Usul Thalatha. Et nous voyons que, comme certains de nos savants le disent, à l'époque, les gens de la masse, même, apprenaient ce livre-là, Al-Usul Thalatha, par cœur. Et de nos jours, nous voyons certaines personnes qui se prétendent parmi des gens qui apprennent la science de la religion, mais qui n'apprennent même pas ce livre-là par cœur, Thalathatul Usul. Donc les trois principes fondamentaux. Et ici, Ash-Shir, donc, aussi conseille ceux qui propagent cette épître et qui la lisent et qui l'apprennent, de l'apprendre par cœur. C'est-à-dire que au moment où il te sera difficile d'apprendre les trois principes fondamentaux, Al-Usul al-Thalatha, au moins essaye d'apprendre cette épître résumée qui est Talqinul Aqidati lil'Amma. Lorsque tu ne peux pas apprendre car le livre est trop long et c'est trop difficile pour toi, essaye au moins d'apprendre ce résumé qui tient sur une page et demie. Incha'Allah ta'ala. Nous commençons la lecture de l'épître, où je me contenterai donc d'une traduction approximative donc de la lecture de l'épître. Ici, Talqinul Aqidati lil'Amma, l'apprentissage de la croyance ou l'enseignement de la croyance aux gens de la masse. Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala a dit dans cette épître, donc Talqinul Aqida lil'Amma, après al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, il dit ici, donc je vous ai dit que j'allais me contenter de la lecture en français. Je lis juste cette partie en arabe pour que vous compreniez en fait. Ici, il dit إِذَا قِلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ. Lorsqu'on te dit qui est ton Seigneur, dis mon Seigneur est Allah. Puis il dit et lorsqu'on te dit إِشْمَعْنَ الرَّبُّ, quelle est la signification de الرب, le Seigneur. Ici, nous voyons que Cheikh a utilisé une parole qui est connue chez les gens de la masse. Ish ma'an al-rab. C'est une parole qui est connue dans la plupart des langues, des dialectes en arabe. Et c'est une parole qui est de l'arabe littéraire. Ish. Ça fait partie de l'arabe littéraire. C'est ce qu'on appelle en arabe un naht. Un naht, c'est le fait de prendre deux mots et de les réunir en un seul mot. Ayyu shay'in ma'na ar-rab. Ish ma'na ar-rab. Mais c'est une manière dont les gens de la masse ont de parler. C'est une manière que les gens de la masse utilisent, et ceci dans la plupart des dialectes arabes de nos jours. Donc ici, Ashir, comme on l'a dit dans l'introduction, utilise cette manière de parler au lieu de dire fa'idha qila laka ma ma'na ar-rab. Il dit ish ma'na ar-rab. De manière rapide, résumé, et afin de faire passer le message à ces gens à qui est destinée cette, ou à qui est orientée, ou vers qui est orientée cette épître. Donc, dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala, si on te demande qui est ton Seigneur, dis mon Seigneur est Allah. Et si on te dit quel est le sens de Ar-Rab, quel est le sens que veut dire Ar-Rab, que veut dire le Seigneur. Dites alors, celui qui est adoré, le Seigneur, Al-Mutasarrif. On va y venir. Et si on te demande, quelle est la plus grande chose, la chose la plus grande et immense que tu vois parmi ces créatures? Réponds alors, les cieux et la terre. Et si on te demande, Ishtarifoubi, dans le sens, si on te demande, comment as-tu connu ton Seigneur? Comment l'as-tu connu? Réponds par ses signes et ses créatures. Et si on te dit, quelle est la plus grande ou le plus grand de ces signes? Réponds alors la nuit et le jour. Et la preuve de cela, nous voyons ici la méthodologie de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab. Il s'adresse aux gens de la masse d'une manière simple et concise, en posant des questions. Nous voyons que le fait de poser des questions est une manière qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner à ses compagnons. Comme dans quel hadith que nous avons lu aujourd'hui à la prière d'El Fajr? Aya Shabab. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement de ses compagnons. Parfois, il leur enseignait en leur donnant directement la réponse. Parfois, en leur posant la question. Parfois, en faisant une métaphore, en donnant une image. Et autre que cela, il avait plusieurs manières d'éduquer ses compagnons et de leur enseigner les bases de la religion. Parfois, il posait des questions. De quoi, de quel hadith, par exemple, que nous avons lu aujourd'hui, nous prenons cette base? Fadalah. Le hadith sur les voies d'Allah et les voies de Prophète. Ahsant. Ce hadith que nous avons lu ensemble ce matin, dans Kitab Tawhid, dans la première porte, ou dans l'introduction de Kitab Tawhid, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé la question, « Ya Mu'adh, ma haqqullahi ala al-ibad, wa ma haqqul al-ibadi ala Allah. » Au Mu'adh, quels sont les droits ou quel est le droit d'Allah sur ses créatures et quels sont les droits ou quel est le droit des créatures envers Allah? Il posa cette question donc à Mu'adh qui lui répondit, Allah et son prophète sont plus savants. Donc ici, Cheikh l'Islam emprunte cette voie qui est une voie à propos de laquelle il y a, comme je viens de le dire, des preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pose des questions afin de faire réagir la personne. Puis, il donne, après cela, il donne la réponse. Puis, il donne la preuve. Donc, nous voyons que ce grand savant s'appuyait sur les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était sa méthodologie, comme dans l'ensemble de ses épîtres. Il dit donc, quelle est la preuve? Et la preuve est dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi sur le trône, istawa 'ala al-'arsh. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celle-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son ordre. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Puis, Ashir après avoir cité cette preuve, dit: et si on te dit, que veut dire Allah? Il dit, le sens ou la définition de Allah est, écrivez cela, ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Lorsque tu définis donc ce terme, le terme Allah, quelle est cette définition que tu peux donner? Le fait que Allah est celui qui possède la divinité et le droit à l'adoration sur l'ensemble de ses créatures. Celui qui possède la divinité et l'adoration, c'est-à-dire le droit à l'adoration sur l'ensemble de ses créatures. Et ceci est une parole qui a été donnée par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, turjuman al-Qur'an, l'exégèse du Qur'an, ou l'exégète du Qur'an, celui qui était connu pour la science de at-tafsir, l'exégèse du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez, est le seul qui mérite l'adoration. Tabaraka wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses, celui qui mérite l'adoration, celui qui détient, qui possède les noms et attributs les plus grandioses. Celui qui possède l'adoration, comme dans cette définition, ذُلْ أُلُوْهِيَّةِ, celui qui possède la divinité, celui qui possède aussi l'adoration sur l'ensemble de ses créatures, ذُلْ عُبُودِيَّةِ, c'est-à-dire que c'est celui que l'ensemble de ses serviteurs, ou vers lequel l'ensemble de ses serviteurs se tournent, et doivent se tourner afin de l'adorer, tabaraka wa ta'ala. Mais qu'est-ce que l'adoration? Ici, nous donnons des définitions. Nous parlons de choses dans nos cours, mais il nous convient de définir ces termes. Nous avons défini at-tawhid, qui est la première des obligations pour l'ensemble des créatures, qui est ifradullahi bil-ibadah, c'est-à-dire unifier Allah par l'adoration. Mais qu'est-ce que l'adoration? Comment on pourrait définir l'adoration, donc? Nous avons déjà donné ces termes-là. Ceux qui les ont appris, eh bien, ils répondent ici pendant le cours. Donc, c'est une révision de ces cours que nous avons déjà vus. Ceux qui ne l'ont pas appris, qu'ils écrivent ces définitions et qu'ils les apprennent. Ceci est très important. Car au final, on répète des termes. Parfois, on apprend par cœur des termes, mais est-ce qu'on les comprend vraiment? Ces termes qui sont des termes qui doivent être compris par l'ensemble de nos frères qui viennent étudier ici, avec qui on se fait le rappel. Car lorsqu'on parle aux gens, on les appelle à la sunna, mais on n'est pas capable de définir ce qu'est la sunna. On les appelle à s'écarter de l'bida', les innovations, mais on n'est pas capable de définir réellement ce qu'est les innovations et ses limites. Lorsqu'on les appelle à l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé, mais on n'est pas capable de définir at-tawhid. Si on te demande qu'est-ce que at-tawhid, tu dis le monothéisme. Mais qu'est-ce que le monothéisme? Comme on l'a dit, c'est le fait d'unifier Allah azza wa jal par l'adoration, par l'adoration. Mais qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce qu'une adoration? Ceci va t'aider à savoir si telle et telle chose est légiférée ou non. Lorsque tu regardes et que tu connais la définition de ce terme, al-ibada, avant de pratiquer n'importe quelle adoration, tu vérifieras si cette chose est réellement une adoration. Comment tu vérifieras cela? Par rapport au fait que tu as appris ce qu'est l'adoration, al-ibada. Qu'est-ce que l'adoration? C'est tout acte et parole apparent caché. Ahsant. Vous avez entendu? C'est une définition qui a été donnée par Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Ubudiyya, la servitude. Il dit, l'adoration, c'est un terme qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Un terme qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles apparentes ou cachées. Donc ici, l'adoration et unifier Allah Azza wa Jalla dans cette adoration, comme on l'a dit, c'est la première obligation, la première chose qui incombe à tout serviteur. Et c'est la chose la plus importante qui nous a été ordonnée. Et c'est le premier ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné dans son livre. Lorsque tu prends le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que tu commences la lecture de ce dernier, tu liras que le premier ordre, qui a été donné par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, est cet ordre qui est venu dans Surat al-Baqarah, le verset numéro 21, où Allah Azza wa Jalla nous dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqoun. » Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Le premier ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, l'ordre de l'adorer, lui seul et sans associé tabaraka wa ta'ala. De même, l'opposé de at-tawhid, al-shirk, l'association. Si at-tawhid est l'ordre de ne l'adorer lui, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé, est l'ordre le plus grand et le plus important qui est venu dans le Coran et la première des obligations qui nous incombe, à son opposé, l'interdit le plus grand est l'interdiction de lui donner des associés, tabaraka wa ta'ala, et on définira, on se rappellera la définition de al-shirk, pardon, l'association dans le cours prochain, inshallah ta'ala. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.